السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى البر والفاجر. Nous reprenons la lecture de l'authentique de l'Adab al-Mufrad, Cheikh Al-Albani, au sujet du livre de l'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, chapitre La bienfaisance à l'égard du bon et du pervers. La bienfaisance que l'on avance en faveur des gens n'est pas restreinte aux personnes vertueuses, aux personnes pieuses et méritantes. Mais les différentes sortes de biens et de vertus sont dispensés aux personnes vertueuses pour s'entraider avec elles, pour les encourager, pour les gratifier, mais également aux personnes qui ne le sont pas, aux personnes qui peuvent être mauvaises, qui peuvent être perverses. Ceci afin de les inviter au bien, de leur montrer l'exemple, de les préserver de leur propre mal, et de les orienter vers le bien. Et ceci n'est même pas restreint aux humains. L'islam a une législation tellement parfaite que sa bienfaisance se répercute même sur les animaux. Même sur les animaux. Ainsi, avec ce chapitre, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous montre ses nobles caractères. An Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyya rahimahullah. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan? Qal hiya musajjalatun lil barr wal fajir. Qala Abu Abdillah أي البخاري رحمه الله قال أبو عبيد أي القاسم بن سلام مسجلة مرسلة. محمد بن علي surnommé ابن الحنفية récita le verset suivant selon la traduction des sens du verset: y a-t-il d'autre récompense à la vertu que la vertu? Ensuite il a dit: ceci est consigné tant pour le bienfaisant que le pervers. Abu Abdillah, Ibn Bukhari a dit, Abu Ubaid a dit, consigné, c'est-à-dire rétribué, qui parvient à la personne. Au sujet du verset, Hal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan, est-ce que la rétribution d'une bienfaisance est autre chose si ce n'est la bienfaisance? On nous dit ici que ce verset a une portée général. Ya mursala ay mutlaqa. C'est-à-dire que ces termes ont une portée générale. En d'autres termes, cette bienfaisance n'est pas exclusivement à l'égard des personnes pieuses et vertueuses, mais sa portée est générale. Lorsque tu es bienfaisant envers les gens du bien, c'est pour les honorer. C'est par reconnaissance. C'est pour lier le lien. C'est pour les récompenser. C'est pour t'entraider avec eux. Et quand tu es bienfaisant envers la personne perverse, c'est pour attirer son cœur vers le bien. C'est pour l'inviter au repentir. C'est pour limiter son mal, le rapprocher du bien et le réformer. En conclusion, les nobles caractères en islam, tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie. Le chapitre suivant, Babun Fadlu man ya'ulu yatima. Le chapitre suivant, le mérite de celui qui prend en charge un orphelin. On pourrait traduire qui prend soin de l'orphelin ou d'un orphelin. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, entame ici un nouveau thème. Il s'agit de prendre soin et de prendre à sa charge l'orphelin. Ya'oulu yatiman, ya'oulu ayyara'ahu. Ya'oulu, il prend à sa charge, c'est-à-dire, il prend soin de lui, il s'occupe de lui, il le prend à sa charge, il dépense pour lui, il l'éduque, il est bienfaisant envers lui, il prend la place du père. Il prend la place du père, il l'aide, il le chérit, il lui dispense de l'amour, de la miséricorde, de la pitié. Reste à savoir qui est al-yatim. Quelle est la définition du yatim en islam? Al-yatim huwa man faqada walidahu qabla al-bulugh. Al-yatim, l'orphelin, est celui qui a perdu son père avant la puberté. Celui dont le père est décédé avant la puberté. Donc au maximum 15 ans révolus. Quels sont les signes de la puberté? Comment savoir si une personne est pubère ou non? Il y a 3 signes. Le premier signe, c'est inzal ulmani, al-ihtilam. C'est l'éjaculation avec plaisir ou durant le sommeil. Le deuxième signe, nabtu sha'ril ana, c'est l'apparition des poils du pubis. Le troisième signe, c'est compléter 15 ans. On ajoute un signe propre à la jeune fille, c'est le hayd, c'est l'apparition des menstrues. Dès lors que la personne observe l'une de ces caractéristiques, elle est pubère. Elle devient pubère, responsable. Elle devient, comme on pourrait dire, adulte. Mais plus précisément, responsable. Et on ne va pas ajouter entre les deux le passage de la préadolescence puis l'adolescence comme pour déresponsabiliser la personne pubère et minimiser ses actions. Non, ses actions à partir de la puberté sont enregistrées, sont consignées. Les hasanat, les sayyiat, on ne dira plus qu'il est trop petit pour. Non, il est assez grand pour entrer au paradis ou en enfer. Le petit garçon, la petite fille qui a perdu son père, celui qui travaillait pour elle, celui qui dépensait pour elle, celui qui était la figure de protection, se voit dans une carence immense, un manque énorme. Il devient l'enfant oublié. Il a donc particulièrement besoin qu'on se penche sur son cas. Il a donc particulièrement besoin qu'on se penche sur son cas, de par l'affection, de par la tendresse, s'occuper de ses besoins, dépenser pour lui, l'éduquer, l'orienter. Et ce terme-là, yatim, les savants divergeaient quant à son origine. Certains ont dit que ça vient de l'infirad, la solitude, la singularité. C'est pour cela qu'on l'appelait yatim. Ça vient du fait d'être esselé. D'autres ont dit que ça vient de el-rafla. Parce qu'on est distrait de lui. Les gens sont distraits de lui, ne pensent pas à lui. Je vous donne un seul exemple. Le jour du Eid, chacun a son cadeau. Le père achète le cadeau. N'est-ce pas? Ou le père donne l'argent pour qu'on achète les cadeaux. Et lui, on l'oublie. Peut-être qu'il arrive le jour du Eid, on n'a pas pensé à lui, il n'a pas son cadeau. Ou à la fête de l'école. Naam. Tout le monde vient avec telle ou telle chose, mais lui, il ne vient pas, il se retrouve dans une gêne extrême, peut-être qu'il en verse des larmes et se voit à vie marqué par cet instant. Naam. Donc on est distrait de l'orphelin. On est distrait de l'orphelin. C'est pour cela que certains ont dit on l'a appelé yatim. Quoi qu'il en soit, Le père a pour rôle de préserver l'enfant, de dépenser pour l'enfant, de le préserver, de l'orienter, de l'éduquer au minimum, de surveiller son éducation, de contrôler son éducation. Et vu que l'orphelin a perdu son père, l'islam est venu pour préserver, naam, tous ces sens-là et à légiférer et or et mada et encourager à la prise en charge des orphelins tout en nous exposant et en nous démontrant les immenses récompenses prévues à cet effet. Pour finir cette introduction, lorsqu'on parle de prendre en charge l'orphelin, 99% des gens, leur esprit, pour 99% des gens, leur esprit penche vers quoi? Penche vers les dépenses. Penche vers l'argent et en font une affaire pécuniaire seulement. Ils pensent donc à la nourriture du corps. Et sont pleinement distraits de la nourriture, du cœur et de l'âme. Il faut penser à l'éducation sur la religion d'Allah Azzawajal. Il faut penser à l'orientation sur les nobles caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici un grand chapitre de l'islam qui à nouveau et toujours nous montre sa splendeur et sa beauté. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui se précipite pour prendre en charge la veuve et le pauvre est comme celui qui est dans le sentier d'Allah, et comme celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Comme celui qui jeûne le jour et prie la nuit. As-sa'i, ils ont traduit ici par celui qui se précipite. As-sa'i, c'est-à-dire qu'il part, il revient, il agit, il bouge, il fait des causes. Naam, as-sa'i 'ala al-armalati wal-masakin. As-sa'i 'ala al-armalati wal-masakin. Al-armala, c'est la veuve. Al-armala, c'est la veuve. Al-masakin, le pluriel de miskin, c'est le pauvre. Cette personne va de jour ou de nuit, été comme hiver, il s'enquiert de la situation de la femme qui a perdu son mari et de l'homme qui a perdu ses moyens. Son souci est de les préserver, de les mettre à l'abri de la difficulté. Il regarde leurs besoins et autant que possible tente de leur prodiguer. Il se dirige vers eux pour les toucher de sa bienfaisance, conscient que ce qu'il possède n'est qu'une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal pour voir comment est-ce qu'il va s'en servir. Al-Armala n'a pas d'époux. Al-Armala, la veuve, n'a pas d'époux. Car il est décédé et elle est restée vivante. Et bien souvent, Al-Armala a également les orphelins de l'époux. Donc, elle se retrouve dans une grande difficulté. Certains savants disent même, celle qui ne s'est jamais mariée et se retrouve dans cette difficulté peut entrer dans ces hadiths. Si on ajoute à cela des orphelins, la situation n'est que plus grande. Car elle se voit dans la difficulté de la pauvreté et de l'éducation de ses enfants qu'il faut nourrir. Donc, en pensant à ces personnes besogneuses, en se basant sur cette rahma, cette pitié, en s'enquérant de leurs besoins, de leur situation, na'am, Allah Azza wa Jalla lui accorde une énorme récompense. Allah lui accorde une énorme récompense. Ça, c'est pour Al-Armala. Pour Al-Masakin, c'est celui qui est dans la pauvreté. Il n'a pas assez pour finir les fins de mois. Il se voit dans la difficulté. Cette personne s'occupe également des besoins des pauvres. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, il est semblable à celui qui lutte dans le sentier d'Allah. Il recherche que l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, il est sincère dans sa démarche. Ou comme celui qui jeûne le jour et prie la nuit. On voit ici l'énorme récompense de celui qui prend à sa charge la veuve et le pauvre. Et la veuve en général, ou bien souvent, a des orphelins avec elle. C'est la raison pour laquelle Imam al-Bukhari a mentionné ce hadith sous ce chapitre. Et El-Yatim, l'orphelin, peut entrer donc dans El-Armala, car il reste qu'avec sa mère, son père étant décédé, et il peut rentrer également dans les pauvres. Certains orphelins sont pauvres, d'autres ne le sont pas. D'autres ne le sont pas. Le chapitre suivant, Babun Fadlu man ya'ulu yatiman lah. Le chapitre suivant, le mérite de celui qui prend à sa charge son enfant orphelin. Le chapitre de celui qui prend à sa charge un orphelin à lui. Il s'agit ici, Naam, il s'agit ici de la mère qui a perdu, de la femme qui a perdu son époux et s'occupe donc de ses propres orphelins. Ce chapitre est plus spécifique que le précédent. Ce chapitre est plus spécifique que le précédent, car il y a deux liens. Il y a ici un lien en plus. En plus des mérites de prendre à sa charge l'orphelin, il y a ici le lien de parenté. Donc la personne se rapproche d'Allah Azza wa Jal en étant bienfaisant envers les orphelins, mais également en liant les liens de parenté. Cette femme, endurant, a supporté le décès de son époux et s'est relevée, na'am, pour se battre pour ses enfants, les élever, les éduquer, dépenser pour eux. Peut-être qu'elle se voit dans l'obligation de travailler alors qu'auparavant elle était entretenue. Na'am, elle doit leur apprendre, elle doit leur transmettre, ou elle doit les accompagner en cours, à l'école, elle doit les toucher de sa miséricorde, de sa pitié. Cette femme-là a une récompense énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: une femme avec ses deux filles vint me voir. Elle me demanda, c'est-à-dire une aumône, mais je n'avais qu'une seule date et je lui donnais. Elle la partagea entre ses filles, puis elle se leva et sortit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra et je lui racontai. Il a dit: quiconque prend en charge quoi que ce soit de ses filles et attentionné envers elles, elles seront pour lui un rempart ou un voile, un rideau contre eux. L'enfer. Contre eux, l'enfer. L'imam al-Bukhari a mentionné ce hadith alors qu'il nous parle ici de prendre en charge ses orphelins. Donc probablement qu'il a trouvé dans des versions du hadith que ces deux filles-là étaient orphelines. Que ces deux filles-là étaient orphelines. Et ce hadith, nous l'avons déjà étudié dans le chapitre « Al-Walidat wa Rahimat ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici « Man yali min hadhi al-banati shay'a » Quiconque prend en charge quoi que ce soit pour ses filles. En premier lieu, la mère de ses filles. Donc, la mère de ses filles en premier lieu. Mais au-delà de ça, toute personne bienfaisante qui deviendra leur responsable et les prendra à sa charge. Les dépenses, l'orientation, l'éducation. Et remarquez ici qu'on a dit « minhad il banat ». On a spécifié les petites filles, les filles. Pourquoi est-ce qu'on a spécifié les filles? Car elles sont plus dans le besoin que les garçons, car elles sont plus faibles que les garçons. Et la généralité du hadith concerne les mères qui éduquent leurs propres filles, mais également ceux qui leur viennent en aide. Dans l'éducation, la bienfaisance, les dépenses. Et entre dans cela les filles qui sont orphelines. Le prophète alayhi salatu wa salam mentionne le détail et dit fa ahsana ilayhin. Il se montre bienfaisant envers elles. La bienfaisance englobe tous les chapitres du bien. On n'a pas mentionné un point de la bienfaisance, mais toutes les bienfaisances réunies dans cette parole. Et le prophète sallam lui a été accordé ce qu'on appelle jawami'ul kalim, c'est-à-dire peu de mots mais énormément de sens et une multitude de sciences. Donc, et bienfaisant envers elle, dans les dépenses, dans l'affection, dans la miséricorde, dans les vêtements, dans les chaussures, dans la nourriture, la boisson, dans la science, la transmission des nobles comportements et caractères, dans la réforme. Quelle est la récompense? Kunna lahu sitran minan nar. Elles seront pour lui une préservation contre l'enfer, un rempart, une protection contre l'enfer. L'imam al-Bukhari a mentionné ce hadith sous ce chapitre, car la généralité du hadith englobe les enfants orphelins. Donc, subhanallah, la récompense, elle est immense. La récompense, elle est immense. Celui qui éduque des filles, celui qui est bienfaisant envers des filles, Naam, a cette énorme récompense d'être préservé de l'enfer. Et parmi les filles, certaines sont orphelines. Le chapitre suivant, Babun fadlu maya'ul yatiman min abawayhi. Le mérite de quiconque prend en charge un orphelin de sa famille. Il y a plusieurs versions, min abawayhi, bayna abawayhi. Donc ils ont traduit le mérite de quiconque prend en charge un orphelin de sa famille ou au sein de sa famille. Ou au sein de sa famille. C'est-à-dire, il prend l'orphelin et il le ramène chez lui. Car il peut s'occuper d'un orphelin, mais l'orphelin ne vit pas chez lui. Là, il prend l'orphelin et il le met chez lui, au sein de sa famille. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous dit « An ummi Sa'id binti mra'ati al-Fihri » عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. D'après Umm Sa'id, la fille de Murra al-Fihri, selon son père, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: le tuteur d'un orphelin et moi-même serons comme ça ou comme ceci en joignant le majeur et l'index. Soufiane hésita entre le majeur et le doigt qui suit le pouce. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nouveau nous montre ici le mérite de prendre soin de l'orphelin. Il dit, moi et le tuteur de l'orphelin, nous serons comme cela au paradis. Et il a montré deux de ses doigts, ce suivant. Le majeur, l'index et le majeur. L'index et le majeur. On voit ici donc la proximité de ceux qui prennent soin de l'orphelin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le meilleur des endroits, le paradis. Le paradis. Ça montre donc qu'il a bien agi et qu'il a atteint un haut niveau de bienfaisance et qu'il sera proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Attention, cela ne veut pas dire qu'il résidera au même niveau que le niveau du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, car vous savez tous que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé d'une place que nul ne saurait avoir, si ce n'est une seule personne. Donc la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus haute et nul ne le concurrence dans celle-ci. Nul ne le concurrence dans celle-ci. Donc il ne faut pas comprendre que de manière constante, il sera au même niveau que le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, le prophète sallam a un niveau au-dessus. Mais c'est pour nous montrer la grande place qu'il aura. La grande place qu'il aura. On voit donc le mérite de prendre à sa charge et de prendre soin des orphelins. Pour espérer avoir ces grandes récompenses, il nous faut étudier ces chapitres. Il nous faut considérer ces chapitres. Il nous faut mémoriser ces hadiths et les comprendre. Que signifie kafalatul yatim? Que signifie kafalatul yatim? Et qu'est-ce que un yatim? Qui est le yatim? En réunissant ces deux choses, si on agit, on pourra espérer à obtenir ces grandes récompenses. Donc, tu étudies ce que signifie kafalatul yatim, puis tu cherches des orphelins et tu es bienfaisant envers eux en espérant cette grande récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains disent adopter un orphelin. L'adoption a été proscrite en islam, a été elle a été abrogée en islam. Au début, il y avait l'adoption, puis Allah azza wa jal a enlevé cela et a mis ce qui est meilleur pour préserver la lignée. Il a mis le fait de prendre soin et le fait de prendre à sa charge les orphelins, mais pas d'adoption. On ne dit, on n'a pas le droit d'affilier l'orphelin à celui qui le prend en sa charge. Non. Il doit rester affilié à son père. Il est interdit de changer un nom de famille tant que ce nom de famille n'a pas un sens proscrit. Ou un mauvais sens. Naam. Il faut garder la lignée et cela est sacré. Cela est sacré. Même la femme qui se marie. Même la femme qui se marie, elle est désormais épouse de, mais elle ne change pas son nom de famille. Elle ne perd pas sa lignée. Elle n'occulte pas qui est son père pour prendre le nom du père de son époux. Jamais. Elle garde son nom. Mais elle devient, en plus de cela, épouse de. Donc si on lui demande de changer son nom et autre, non. Mais elle ajoute épouse de. Dans ses papiers, elle ajoute épouse de. Barakallahu fikum. Si cela a déjà été fait, si elle a la capacité de corriger, alhamdulillah, dans le cas contraire, c'est écrit, mais elle corrigera à l'oral. Donc on étudie ce qu'est kafalatul yatim, on étudie ce qu'est al yatim, ensuite on agit. Ensuite on agit. Et bien, idhnillah azza wa jal, avec l'association Mohsinoun, diverses projets ont vu le jour et on va mieux organiser cela et plus développer la kafala de différents orphelins dans différents pays. Ceux qui voudront participer, inshallah ta'ala, on leur donnera les détails. Le hadith suivant. An Sahl ibn Sa'd. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه سبابتي والوسطى. D'après Sahl ibn Sa'd, le prophète radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi et le tuteur d'un orphelin seront comme cela au paradis, en joignant son index et son majeur. Donc son deuxième et troisième don. À nouveau dans ce hadith, on voit la valeur de prendre soin de l'orphelin. À nouveau dans ce hadith, on voit la valeur de prendre soin de l'orphelin. Et j'ai dit et je répète, les savants nous disent, ne soyons pas distraits de la subsistance du cœur et de l'âme. Il faut la subsistance du corps, certes, mais il ne faut pas oublier l'éducation. Naam. Il ne faut pas éduquer l'iman, la foi, la piété, la salat, la purification, et ainsi de suite. An Abi Bakr ibn Hafs, rahimahullah, anna Abdallah, kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. D'après Abu Bakr ibn Hafs, rahimahullah, Abdullah, c'est-à-dire ibn Omar, ne mangeait pas un repas sans qu'il n'y ait à sa table un orphelin. Sans qu'il n'y ait à sa table un orphelin. On voit ici la régularité et la détermination des compagnons, particulièrement Abdullah ibn Omar ici, dans les bonnes œuvres à l'égard des orphelins. Et l'action la plus aimée du prophète alayhi salat wa salam était celle qui était régulière, même si c'était peu. Et cela témoigne d'une profonde pitié dans le cœur du serviteur à l'égard de l'orphelin et d'un grand espoir en Allah Azza wa Jal quant à la récompense. Car pour avoir cette régularité, il faut vraiment être déterminé. À supposer qu'il mangeait deux repas par jour, il ne mangeait pas tant qu'il ne trouvait pas un orphelin pour venir manger dans son plat. Subhanallah. Allah Azza wa Jal met dans le cœur de certains de ses serviteurs une miséricorde telle qu'ils en arrivent à élever l'orphelin au-dessus de leurs propres enfants dans la bienfaisance. Subhanallah. Il le place au-dessus. S'il achète une paire de baskets à ses enfants, lorsqu'il choisit la paire de l'orphelin, il fait attention à lui prendre mieux. Dans le pire des cas dans sa tête, il prend l'équivalent. Et ça, c'est une situation déplorable pour lui. Lorsqu'il prend des vêtements, il choisit la meilleure qualité pour l'orphelin. Cette personne-là, wallah, Allah Azza wa Jalla lui met la baraka dans ses biens. Il obtient le bien de ce bas monde et de l'au-delà, incha'Allah. Allah lui augmente ses biens, ne lui fait rien diminuer. Il le préserve dans sa personne, dans ses biens, dans sa famille, dans ses enfants. Et dans l'au-delà, on a vu les récompenses. Préservé de l'enfer, proche du prophète, alayhi salatu wa salam. Na'am. Et lisez, étudiez la biographie du prophète, alayhi salatu wa salam. Comment est-ce qu'Abu Talib a été envers lui? Le chapitre suivant, Babun kun lil yatim kal abir rahim. Allahu akbar. Le chapitre suivant, sois avec l'orphelin comme un père très miséricordieux. Sois avec l'orphelin comme un père très miséricordieux. Dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala vient presque clôturer cette chaîne, ce joyau, ce bijou, cette chaîne de perles précieuses. Et il nous donne la règle générale sur la prise en charge de l'orphelin, la bienfaisance à son égard et le mérite qu'il y a à travers cela. Si tu demandes, j'ai compris la valeur, j'ai compris l'importance, j'ai compris les récompenses. Mais que faire concrètement dans la mise en pratique? Comment devrais-je me comporter? Que devrais-je faire? Enseigne-moi qu'Allah te fasse miséricorde. L'imam al-Bukhari te répond ici. Il te donne la règle générale. Kul lil yatim kal abi rahim. Soit à l'égard de l'orphelin, tel un père très miséricordieux, comme un père très miséricordieux. Celui qui prend en charge un orphelin, voici comment il doit être. Comment il doit être. Dans son éducation, dans sa prise en charge, dans son orientation, dans son verbe, il se comporte avec lui comme il fait avec ses enfants. Avec pitié, avec miséricorde, tantôt avec rigueur, mais toujours avec sagesse. Et s'il te retrouve dans l'obligation de le corriger, alors, de manière légère et avec pitié pour son bien, pour le sensibiliser sur la gravité de son acte. Naam. Comme le père miséricordieux est avec ses enfants. Il se montre endurant, bienfaisant, il fait des doigts pour lui. Barakallahu fikou. Et l'imam Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans le verset, فَلَا تَقْهَرْ مَلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, quand ta l'orphelin ne soit pas rude envers lui, il nous dit, إِصْنَعْ لِلْيَتِيمِ, notez cette parole, elle est en or, إِصْنَعْ لِلْيَتِيمِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُصْنَعَ بِوَلَدِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِصْنَعْ لِلْيَتِيمِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُصْنَعَ بِوَلَدِكَ بَعْدَكَ. L'imam Ibn Sa'di rahimahullah dit dans son tafsir, fais avec l'orphelin ce que tu aimerais qu'on fasse avec tes enfants après ta mort. Allahu Akbar. C'est une règle d'or venant d'un imam en or, rahimahullah. Il serait bon que des tullab ilm fassent la biographie de l'imam Ibn Sa'di et le fassent connaître à la communauté, et fassent connaître de ses magnifiques livres à la communauté. Qu'Allah bénisse votre temps et le nôtre. Qu'Allah bénisse notre temps et le vôtre. Donc en te rappelant cela, subhanallah, tu vas développer beaucoup de bienfaisance à l'égard de l'orphelin. Et tu vas noter, tu vas être méticuleux. Certains parents travaillent en se disant, après mon départ, je ne veux pas qu'il soit dans le besoin. Peut-être que toute la fatigue qu'il supporte, un de ses moteurs, c'est cela. Ne pas laisser ses enfants dans la difficulté. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit, an Abdirrahman ibn Abza, qala Daoud alayhi salam, kun lil yatim kal abi rahim, wa'alam annaka ma tazra'u kadhalika tahsud. Ma aqbaha al-faqr ba'da al-ghina, wa aktharu min dhalik, aw aqbahu min dhalik ad-dalalatu ba'da al-huda. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. الله أكبر. عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله أدي داود عليه السلام أدي Sois avec l'orphelin comme un père miséricordieux. Sache que tu récolteras ce que tu sèmes. Quelle plus vile chose que de devenir pauvre après avoir été riche? Et quoi de plus vil encore? Et quoi de plus vil encore que de s'égarer après avoir été guidé? Si tu promets une chose à ton compagnon, alors tiens-toi à ce que tu lui as promis. Car si tu ne le fais pas, il y aura de l'inimitié entre vous deux. Et réfugie-toi auprès d'Allah contre un compagnon qui ne te soutient pas lorsque tu évoques Allah. Et quand tu oublies l'évocation, il ne te la rappelle pas. Ici, une parole immense attribuée au prophète Daoud alayhi salam. Premièrement, kun lil yatim kal abir rahim. Sois envers l'orphelin tel un père très miséricordieux. comme le Père très miséricordieux. Et c'est la raison pour laquelle Imam Bukhari a mentionné ce texte sous ce chapitre. Dans son éducation, dans son orientation, dans ton comportement envers lui, et remarquez qu'il a spécifié, il n'a pas dit comme un père, il a dit comme un père très miséricordieux. Pourquoi? Parce que certains pères sont rudes, sont méchants, dépourvus de miséricorde, dépourvus de pitié. Il ne s'agit pas de rigueur et de droiture, il ne s'agit pas d'orientation, d'éducation pour qu'ils grandissent droit, bon, non. Mais ça n'est que de la méchanceté, ça n'est que de la rudesse. Ici, Daoud alayhi salam nous dit qu'al abi ar-rahim, très miséricordieux. Donc, car certains pères, eux, ont une dureté démesurée envers leurs propres enfants, envers leur propre sang. Et leur miséricorde n'est que minime. Deuxièmement, wa'alam annaka ma tazra'u kadhalika tahsud. Et sache que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. C'est-à-dire, si tu sèmes de bonnes œuvres, tu récolteras des hasanat, des bonnes actions. Et si tu sèmes des mauvaises œuvres, tu récolteras des péchés. Ce bas monde est le champ de labour de l'au-delà. Et la récolte aura lieu le jour de la résurrection. Donc que chacun soit ait de la pitié envers sa propre âme, envers sa propre personne. Ce que tu veux trouver le jour du jugement dernier chez Allah, il te faut le planter aujourd'hui. Choisis la bonne terre, choisis l'engrais, choisis les bons fruits, choisis le bon endroit. Et tout cela se résume à quoi? Al-ikhlas wa al-mutaba'a. La sincérité, ça c'est l'état du cœur, c'est la bonne terre. Et le suivi du prophète alayhi salat wa salam, ça c'est le bon engrais et les bonnes graines. Ici, on attire notre attention sur l'importance de l'excellence dans la culture, dans le travail de la terre. C'est-à-dire, excelle dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire, il te faut parfaire tes bonnes œuvres. Il ne faut pas les faire à la va-vite ou ne pas les faire du tout. Fais ce que tu peux, mais vise à parfaire ton acte. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal a donné cette parabole, cette figure de style. On a fait ressembler la foi à l'arbre qu'est le palmier et le croyant au palmier. À la ilaha illallah au palmier. Tout cela est venu dans le Coran et la Sunna. Et dans le hadith, يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Oh mes serviteurs, ça ne sont que vos œuvres. Je les enregistre, puis je vous récompense en conséquence. Pardon, je vous rétribue en conséquence. Celui donc qui trouve du bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouve autre que cela, qu'il ne blâme que sa propre personne. Et le prophète alayhi salat wa salam nous dit: "Kullu an-nas yardu, fa bay'u an-nafsahu mu'tiquha wa mubiquha." Chaque personne au quotidien sort. Certains affranchissent leurs âmes et d'autres l'anéantissent. La troisième parole: "Ma aqbahu al-faqra, ma aqbah al-faqra ba'd al-ghina wa akthar min dhalik." Donc, ô combien est vile l'aide mauvaise. La pauvreté après avoir, après la richesse. La pauvreté après la richesse. C'est une vision que tout le monde perçoit. C'est une chose que tout le monde conçoit. Le changement brusque de situation, de l'aisance à la difficulté, c'est une chose que personne n'aime. Mais en réalité, ceci n'est qu'un préambule et une introduction à la phrase suivante. En d'autres termes, si vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que le changement de situation brusque de la richesse à la pauvreté est une chose vile et détestée par l'ensemble des gens, sachez qu'il y a pire que cela et c'est une chose de laquelle peut-être vous êtes distrait, qui est ad-dalala ba'd al-huda, l'égarement après avoir connu la guidée. Voici ce qu'il y a de pire. l'égarement après avoir connu la guidée. Quand il s'agit des choses de ce bas monde, tout le monde s'en rend compte. Et tout le monde y accorde importance. Mais il y a une réalité plus importante que celle-ci desquelles nous pouvons être distraits. C'est l'égarement après la guidée. Certains n'ont pas le cœur qui bouge lorsqu'ils voient une personne égarée après l'avoir connue sur la guidée. Mais lorsqu'ils voient un pauvre après avoir connu la richesse, ils s'interpellent tous. Subhanallah. Donc le pire, c'est l'égarement après avoir connu la vérité, après avoir connu la sunna, il tombe dans la bid'a, après avoir connu le tawhid, il tombe dans le shirk. Voici ce qu'il y a de pire et de plus laid. Allah Azza wa Jalla lui a ouvert les portes de la connaissance, de la vérité. Il a pu emprunter ce noble chemin. Par la suite, il s'égare. Donc il faut s'accrocher à la guidée. Il faut savoir que c'est rare et que c'est le cadeau le plus que c'est le don le plus précieux. Et c'est le miracle le plus grand. Restez sur la droiture. Le plus grand miracle, c'est pas de marcher sur l'eau, de voler dans les airs. C'est l'istiqama, c'est la droiture. Dans une multitude d'égarements et d'égareurs égarés. La prochaine recommandation, lorsque tu promets à ton compagnon, donne-lui ce que tu lui as promis. Tiens-toi à ce que tu lui as promis. Ici, on nous ordonne quoi? El wafa. Le respect de la amana, du dépôt. Naam, ça fait partie des points de la foi. Wa awfu bil ahd. Idna al ahda kana mas'oula. Et tenez vos engagements. Sur cela, vous serez interrogé. Ya alladhina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, tenez vos engagements. Ceci fait partie de la foi. Certains se permettent de ne pas tenir leurs engagements. Que ce soit dans des choses mondaines, que ce soit dans des choses religieuses. Ils s'engagent et ne payent pas, ou ils s'engagent et ne remboursent pas, ils s'engagent et trahissent le dépôt. Ceci est gravissime et haram. Puis on nous dit, car si tu ne le fais pas, si tu ne tiens pas ton engagement, il y aura de la haine, de la dissension, de l'inimitié entre vous deux. Subhanallah, lorsque tu promets une chose et que tu ne tiens pas ta parole, ça fait naître de la haine dans le cœur de celui qui est en face. Tu lui promets telle et telle chose, tu lui promets le mazda, le remboursement tel jour, tu lui promets de lui donner son bénéfice tel jour, tu lui promets tel salaire pour tel emploi, tu lui promets telle récompense pour tel service, naam, et tu ne tiens pas ta parole. Tu ne tiens pas ta parole. Naam. Ceci est gravissime et ça, c'est une cause pour dérégler la fraternité, c'est une cause pour enrayer la fraternité, c'est une cause pour faire naître la haine, la dissension et l'inimitié. Donc il faut comprendre ces sens. Les Arabes respectaient ces choses-là même avant l'islam et y accordaient énormément d'importance. Donc tenir sa parole est une cause pour vivre en communauté dans les meilleures conditions. Dans l'amour, l'affection, et le fait de ne pas tenir sa parole est une cause pour faire naître la haine, l'éloignement, la médisance et autres. La recommandation suivante, ta'awwadh billahi min sahibin. Cherche refuge auprès d'Allah contre un compagnon dont voici les caractéristiques. Voici les caractéristiques. On voit ici l'importance du choix de tes fréquentations, de tes assises, de ceux que tu fréquentes, avec qui tu parles, avec qui tu marches, avec qui tu manges, chez qui tu entres et qui tu fais entrer chez toi. Il faut absolument chercher des fréquentations pieuses et vertueuses et s'éloigner des autres, si ce n'est pour leur donner le conseil sincère. Tu dois chercher refuge auprès d'Allah, c'est-à-dire dire « Allahumma a'idhni min » ou bien « Allah, ya Allah, a'udhu billah min sahibin » et tu dis les caractéristiques. « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un tel compagnon. » Qui est ce tel compagnon? Qui est ce donc ce compagnon? إِذَا ذَكَرْتَ لَمْ يُعِنْكَ. Si tu te rappelles un bien à accomplir, si tu te rappelles une adoration, si tu te rappelles une bonne action, il ne t'aide pas. Il ne te soutient pas. Il ne veut pas y participer. Peut-être même qu'il t'en décourage. C'est la salat, viens, on va au masjid. Non, il n'y a pas le temps, viens, on va faire ça. Il y a un cours, viens, on s'inscrit. Non, j'ai pas le temps. Mais à quoi va servir la science? Les gens sont partis sur la lune et toi, tu penses à l'argent. Les gens, ils font de l'argent et toi, tu penses à la science. Les gens font de l'argent et toi, tu penses à la science. Les gens vont en vacances et toi, t'es encore dans la science. Subhanallah. La science n'empêche aucunement les choses de dunya. Certains parmi les gens de science et certains parmi les sahaba, les savants, étaient ceux qui auraient été considérés aujourd'hui multimilliardaires. Et cela ne les a pas distraits. Mais ils se voyaient toujours pauvres chez Allah Azza wa Jal. Donc, je demande à Allah de te protéger du compagnon qui, dès lors que tu veux faire une bonne action, il ne t'aide pas, il ne t'encourage pas. Peut-être même qu'il t'en distrait et t'en éloigne. Si tu le suis, ce compagnon, il va te faire perdre ta baraka et il va te faire tomber dans le mal. Et parmi les choses étonnantes, c'est que lorsque ce même compagnon, tu l'appelles à la dunya, à un commerce, à un business, à un repas, à une distraction, à un match de foot, alors tu le trouves en avance et il peut rester des heures et des heures dans cette assise. Il est tard, t'es pas fatigué. Non, je suis pas fatigué, t'inquiète pas. Je suis autre entrepreneur, je suis mon propre patron, je peux m'organiser. D'accord, mais pourquoi tu fais pas la même chose pour la science, pour les bonnes actions, pour Salat et Tarawih, pour la prière au masjid, pour. Wa in nasita lam yudhakkirk. Et lorsque tu oublies, lorsque tu oublies une bonne action, une bonne œuvre, il ne te fait pas le rappel. Donc, en fréquentant cette personne, dans les deux cas, quand tu te rappelles et lorsque tu oublies, dans les deux cas, il va t'éloigner du bien. Tu seras toujours dans la distraction. Donc, retenez cette règle. Le musulman n'a pas le droit de fréquenter qui il veut. Il n'a pas le droit de fréquenter qui il veut. Il doit absolument s'instruire dans le choix des compagnons, dans le choix des amis. Et wallah, combien ont changé leur vie grâce à un compagnon qu'Allah Azza wa Jalla a mis sur leur chemin. Combien ont changé leur vie grâce à un compagnon qu'Allah Azza wa Jalla a mis sur leur chemin. Il les a ramenés vers la science. Il les a ramenés vers le bon comportement. Il a corrigé leurs verbes. Il a corrigé leur comportement vers leur foyer. Il a corrigé leur manière de travailler et leur rentrée d'argent et ainsi de suite. Une connaissance peut bouleverser ta vie, subhanallah. L'homme égaré rencontre un homme vertueux et voici qu'en quelques mois, il devient le meilleur d'entre nous. La femme égarée rencontre une sœur vertueuse et voici qu'elle devient la meilleure d'entre nous et ainsi de suite. Et les exemples sont très très très nombreux. Les exemples sont très très très nombreux du temps du prophète sallam jusqu'à nos jours. Du temps du prophète sallam jusqu'à nos jours. Le dernier chapitre à ce sujet, Babu Adabil Yatim. Babu Adabi Al-Yatim. Le dernier chapitre, Mada relatif à Mada à l'orphelin, est le chapitre l'éducation de l'orphelin. L'éducation de l'orphelin. On va s'arrêter sur cela et poursuivre, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, ou finir Naam ce chapitre, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته